Petite somme théologique de saint Thomas d'Aquin, par l'abbé Frédéric Le Breton, Gaumé du Pré 1860. Question 91. De la création du premier homme quant au corps. La matière dont le corps a été formé, l'être qui l'a formé, la forme qui lui a été donnée, le mode et l'ordre de la formation. 1. Le corps de l'homme a-t-il été formé du limon de la terre? La réponse est dans ces paroles de la Genèse, Dieu forma l'homme du limon de la terre. Genèse 2, 7. L'homme est en quelque sorte un composé de tous les êtres, il touche par son âme aux substances spirituelles, et par son corps aux substances corporelles. Parmi ces dernières, il réunit en lui les quatre éléments, aussi a-t-il été appelé un petit monde, pour marquer que toutes les créatures du monde sont comme résumées en lui. Si l'écrivain sacré nous fait spécialement observer que le corps d'Adam fut formé du limon de la terre, c'est-à-dire de terre et d'eau, c'est que ces deux éléments dominent dans le corps humain. Il ne mentionne pas le calorique et l'air, parce qu'ils y sont en moindre quantité et d'une manière moins visible pour le commun des hommes. Note. Il n'était pas nécessaire que la vertu créatrice se manifestât avec tout l'éclat possible dans la production du corps humain, elle apparaît assez dans la création même de la matière dont il a été formé. Comme il fallait qu'il fût composé de la matière des quatre éléments, il ne convenait pas qu'il fût créé de rien. Fin de la note. 2. Le corps humain a-t-il été produit par Dieu lui-même? Le corps humain a été produit immédiatement par Dieu même, comme on peut le voir dans cette parole, Dieu créa l'homme de la terre. Ecclésiastique 17, 1. À l'origine des choses, il n'existait pas de corps humain qui pût en produire un autre par voie de génération. Les anges même ne peuvent pas faire naître un corps sans le secours de certains germes. Il n'y a que Dieu qui puisse créer, lui seul donc a produit le corps du premier homme. 3. Le corps de l'homme a-t-il reçu une disposition convenable? L'ouvrier donne à son œuvre la disposition la mieux appropriée à la fin qu'il se propose, et si cette disposition entraîne quelques défauts, il ne s'en occupe pas. Veut-il faire une scie, il emploie l'acier comme étant propre à couper, et non pas le verre, qui pourtant est une matière plus belle. Dieu donne, de même, à toutes les choses naturelles la meilleure disposition pour la fin qu'il se propose. Le corps humain ayant pour fin prochaine l'âme et les opérations de l'âme, Dieu l'a disposé de la manière la plus convenable pour une telle forme et pour de telles opérations. Que, si sa constitution générale nous paraît avoir quelques défauts, il faut reconnaître en cela une suite nécessaire de ces éléments matériels qui ont dû être en harmonie avec notre âme et nos opérations. Note. Le tact, chez nous, étant la base de tous nos autres sens, il a fallu que notre complexion fût très tempérée. Sous ce rapport, l'homme l'emporte sur tous les animaux. Nous l'emportons également par nos puissances sensitives intérieures. Mais ce qui fait surtout notre supériorité, ce sont, la raison, les mains et la pose verticale. Par la raison et les mains, nous pouvons nous procurer des armes, des vêtements et tout ce qui est nécessaire à la vie. La pose verticale nous permet d'apercevoir les choses sensibles du ciel et de la terre, ce qui nous élève à la connaissance de la vérité. Elle donne, en outre, à nos sens intérieurs la liberté d'action, et à nos mains l'habileté pour toutes sortes de travaux. Fin de la note. 4. La création du corps humain est-elle convenablement rapportée dans l'Écriture? L'autorité des divines Écritures doit nous suffire. Écartons cependant quelques difficultés. Dans les autres œuvres, Dieu disait, que, telle chose soit. Pourquoi n'a-t-il pas prononcé les mêmes paroles à la création de l'homme? Nous faisons avec plus d'attention et de soin les œuvres qui sont l'objet de notre but principal. Or, l'homme, créé à l'image de Dieu, devait avoir la supériorité sur toutes les créatures visibles. C'est pour cela que le Créateur, changeant d'expression, prononça ce mot, « faisons l'homme », qui indique tout à la fois la pluralité des personnes divines, dont nous retraçons l'image, et la grandeur de l'homme, pour lequel toutes les autres choses ont été faites. Après avoir dit, Dieu forma l'homme du limon de la terre, l'Écriture ajoute, il inspira sur sa face le souffle de la vie. Pourquoi cette addition? L'âme n'est-elle pas dans tout le corps, et principalement dans le cœur? Cette addition a pour but de faire entendre que Dieu n'a pas créé le corps sans l'âme, ou l'âme sans le corps, car le souffle de la vie signifie l'âme elle-même. Il est dit qu'elle fut inspirée à la face de l'homme, parce que les opérations de la vie se manifestent spécialement à la face, où tous les sens se trouvent réunis. Cette parole, « il inspira sur sa face un souffle de vie », est en quelque sorte le couronnement de ce qui précède, et l'on peut y voir une induction vers cette vérité, que l'âme est la forme du corps. Markandanarchive.org 2020, extrait du tome 1er, d'après Books Google FR, licence Creative Commons pas d'usage commercial, partage à l'identique.